C'est Larry, c'est Freddy. Thank you.

perdu mon téléphone. You and I must C'est Michael Jackson en version Benjamin. Attention, j'arrive.